27. Conversation. Écoutez. 1. Voici les grands titres de ce journal. 2. Nous vivrons dans un monde qui aura une population pour laquelle il n'est pas préparé, dit le président. 3. Barr a établi la liste des secteurs dans lesquels des conflits sociaux sont à prévoir. 4. Wakuo Feng, dont nous ferons un portrait à la fin du journal, est arrivé ce matin à Orly. 5. Le gouvernement annonce les mesures par lesquelles il compte soutenir l'agriculture. 6. Comment avoir moins froid cet hiver? Voilà le problème auquel nous devons apporter une solution. Répétez. 7. Voici les grands titres de ce journal. 8. Nous vivrons dans un monde qui aura une population pour laquelle il n'est pas préparé, dit le président. Neuf. Barr a établi la liste des secteurs dans lesquels des conflits sociaux sont à prévoir. Dix. Wakuo Feng, dont nous ferons un portrait à la fin du journal, est arrivé ce matin à Orly. Onze. Le gouvernement annonce les mesures par lesquelles il compte soutenir l'agriculture. 12. Comment avoir moins froid cet hiver? Voilà le problème auquel nous devons apporter une solution. Écoutez. 13. Vous avez écouté des phrases avec des propositions relatives. 14. Écoutez maintenant mon exemple. 15. Voici un livre. Je t'ai parlé d'un livre. 16. Que deviendront ces deux phrases? 17. Voici le livre dont je t'ai parlé. 18. Voyons d'autres exemples. 19. Voici la maison. J'habite dans cette maison. 20. Voici la maison dans laquelle j'habite. 21. J'attends un ami. Avec cet ami, je vais à l'école. 22. J'attends l'ami avec lequel je vais à l'école. 23. J'attends une personne. Je dois donner un paquet à une personne. 24. J'attends une personne à laquelle je dois donner un paquet. Écoutez. Voici un livre. Je t'ai parlé d'un livre. Voici le livre dont je t'ai parlé. Voici la maison. J'habite dans cette maison. Voici la maison dans laquelle j'habite. J'attends un ami. Avec cet ami, je vais à l'école. J'attends l'ami avec lequel je vais à l'école. J'attends une personne. Je dois donner un paquet à une personne. J'attends une personne à laquelle je dois donner un paquet. Répétez. 25. Voici un livre. Je t'ai parlé d'un livre. 26. Voici le livre dont je t'ai parlé. 27. Voici la maison. J'habite dans cette maison. 28. Voici la maison dans laquelle j'habite. 29. J'attends un ami. Avec cet ami, je vais à l'école. 30. J'attends l'ami avec lequel je vais à l'école. 31. J'attends une personne. Je dois donner un paquet à une personne. 32. J'attends une personne à laquelle je dois donner un paquet. Écoutez. Quelle est cette personne? C'est la personne à laquelle je dois remettre un paquet. Quel est ce garçon? Ce garçon est l'ami auquel je dois apporter ce livre. Quels sont ces livres? Ce sont les livres sur lesquels je dois faire un exposé. Quelles sont ces revues? Ce sont des revues dans lesquelles j'ai lu des articles sur Camus. Quel est ton candidat préféré? Le candidat pour lequel j'ai voté est Dupont. Avec quelle voiture es-tu arrivé? La voiture avec laquelle je suis arrivé est une Diane. Répétez. 33. Quelle est cette personne? 34. C'est la personne à laquelle je dois remettre un paquet. 35. Quel est ce garçon? 36. Ce garçon est l'ami auquel je dois apporter ce livre. 37. Quels sont ces livres? 38. Ce sont les livres sur lesquels je dois faire un exposé. 39. Quelles sont ces revues? 40. Ce sont des revues dans lesquelles j'ai lu des articles sur Camus. 41. Quel est ton candidat préféré? 42. Le candidat pour lequel j'ai voté est Dupont. 43. Avec quelle voiture es-tu arrivé? 44. La voiture avec laquelle je suis arrivé est une Diane. Répondez, répétez. 45. Quelle est cette personne? 46. C'est la personne à laquelle je dois remettre un paquet. 47. Quel est ce garçon? 48. Ce garçon est l'ami auquel je dois apporter ce livre. 49. Quels sont ces livres? 50. Ce sont les livres sur lesquels je dois faire un exposé. 51. Quelles sont ces revues? 52. Ce sont des revues dans lesquelles j'ai lu des articles sur Camus. 53. Quel est ton candidat préféré? 54. Le candidat pour lequel j'ai voté est Dupont. 55. Avec quelle voiture es-tu arrivé? 56. La voiture avec laquelle je suis arrivé est une Diane. Écoutez. 57. Il parle d'un film. Le film est intéressant. 58. Le film dont il parle est intéressant. 59. Elle s'occupe d'enfants. Les enfants sont malades. 60. Les enfants dont elle s'occupe sont malades. 61. Il est amoureux d'une fille. La fille est sympathique. 62. La fille dont il est amoureux est sympathique. 63. Nous avons eu la facture des commandes. Les commandes ne sont pas arrivées. 64. Les commandes dont nous avons eu la facture ne sont pas arrivées. Répétez. 65. Il parle d'un film. Le film est intéressant. 66. Le film dont il parle est intéressant. 67. Elle s'occupe d'enfants. Les enfants sont malades. 68. Les enfants dont elle s'occupe sont malades. 69. Il est amoureux d'une fille. La fille est sympathique. 70. La fille dont il est amoureux est sympathique. 71. Nous avons eu la facture des commandes. Les commandes ne sont pas arrivées. 72. Les commandes dont nous avons eu la facture ne sont pas arrivées. Écoutez. 73. Le film est-il intéressant? 74. Oui, le film dont il parle est intéressant. 75. Les enfants sont-ils malades? 76. Oui, Les enfants dont elle s'occupe sont malades. 77. Les activités sportives ont-elles commencé? 78. Oui, les activités sportives dont nous avons parlé ont commencé. 79. Je t'ai écrit pour te demander où sont mes cours d'histoire. 80. Les cours d'histoire dont il est question sont chez moi. Répondez, répétez. 81. Le film est-il intéressant? 82. Oui, le film dont il parle est intéressant. 83. Les enfants sont-ils malades? 84. Oui, les enfants dont elle s'occupe sont malades. 85. Les activités sportives ont-elles commencé? 86. Oui, les activités sportives dont nous avons parlé ont commencé. 87. Je t'ai écrit pour te demander où sont mes cours d'histoire. 88. Les cours d'histoire dont il est question sont chez moi.